18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. On va parler de nage en eau libre. Hier, on a parlé avec Xavier Desharnais. On a parlé également avec Gabriel Savard qui vont participer en 20 semaines au marathon de Saint-Thomas-d'Isle. Mais là, on va parler avec celle qui est en charge de ce beau marathon, de belle activité qui gagne de plus en plus en popularité. C'est Gabriel Trottier. Salut, Gabriel. Allô? Gabriel, j'ai raison de dire que ça gagne de plus en plus en notoriété et en popularité. Oui, tout à fait. Là, cette année, je crois que ce sera vraiment l'année record en termes de participation. Il y a plusieurs clubs. En fait, le bouche à oreille, là, je crois qu'il fait son effet. Il y a plusieurs clubs de Montréal qui m'ont contacté. Là. Les jeunes vont descendre là, pour une première expérience en eau libre. Donc, il devrait y avoir vraiment là, plusieurs nageurs à l'eau là, cette année. OK. Est-ce que tu refuses du monde? Non, pas du tout. Okay. Il y a pour le 15 km là, qui est la course vraiment la compétitive là, où est-ce qu'il y a des bourses et tout ça. Si advenant, il y aurait plus de 20-25 nageurs, peut-être on devrait faire des choix, refuser des gens, mais pour le moment, avec le nombre d'inscriptions qu'on a, c'est pas nécessaire. Pour les autres courses, qui sont vraiment des courses d'initiation, il n'y a pas de maximum. Là. Quand il y aura 100 nageurs à l'eau en même temps, on posera la question, mais ce sera un beau problème. Ben oui. Est-ce que ça demande plus de logistique de plus en plus ou organiser une course pour 25 nageurs et en organiser pour 75 exemples? C'est la même organisation? Oui, au contraire, là, d'année en année, c'est moins de travail parce que les bénévoles connaissent leur tâche. Okay. Le marathon est plus fondé, là, si on peut dire. Donc, non, c'est pas plus de travail. Puis, de toute manière, là, avec la sécurité qu'on a, on peut accueillir, là, on a une très bonne sécurité. Donc, qu'on soit 10 nageurs à l'eau ou 50 nageurs à l'eau, là, on est vraiment prêt là, pour cette éventualité. Donc, non, c'est pas plus d'organisation. OK. Si on parlait un peu de la compétition, hier, je parlais avec Xavier Desharnais. Ça semble de plus en plus. Xavier Desharnais, lui, il va comme un devoir un petit peu. J'ai senti de la manière qu'il parlait que. Pour lui, là, être à Saint-Thomas en fin de semaine, c'est aider l'organisation à progresser. Est-ce que tu sens ça un petit peu? Parce que c'est quand même un gros nom que Xavier Desharnais dans le nage en eau libre. Là. Oui, absolument. Puis, comme je disais là, à plusieurs, au départ, quand on a fait la première édition du marathon de l'Acadium en 2012, moi-même, je nageais, je faisais la traversée deux semaines plus tard. Et l'objectif du 15 km, c'était vraiment le deux semaines avant, là, arrive vraiment juste à point parce que c'est un peu un dernier gros entraînement préparatif à la traversée du lac Saint-Jean qui s'en vient. Okay. Donc, en plus d'être un gros entraînement, il est de le faire de manière compétitive. Ça nous permet de voir vraiment là où est-ce qu'on en est, est-ce que notre forme est à point, voir les autres adversaires aussi. Donc, c'était vraiment l'objectif. Puis cette année, avec les nageurs qui sont inscrits, là, ça prouve vraiment que notre but, c'était le bon parce que sur les 8 nageurs qui vont être sur la ligne de départ, il y en a 7 qui vont prendre part au départ de la traversée du lac Saint-Jean. Donc, on est super contents là, des nageurs qui vont être à l'eau là, cette année. OK. Est-ce que le fait que vous n'êtes pas par le FINA, vous faites pas partie de la FINA, autrement dit, là, est-ce que ça va faire en sorte que les nageurs qui vont être en fin de semaine vont porter la combinaison? Parce qu'il y a une nouvelle réglementation cette année qui fait en sorte que les nageurs sont obligés de porter la combinaison. Ça change la donne pas mal. Oui. Est-ce que finalement, le fait que vous n'êtes pas dans la FINA, les nageurs, ça va être comme avant? C'est ce qu'on espérait quand le règlement est arrivé. Okay. On disait, bon, étant pas dans la FINA, je voulais appliquer le règlement, mais malheureusement, c'est pas ce qui est arrivé. La FINA a mis des réglementations de sécurité pour les nageurs pour contrer le problème d'hypothermie. On a mis le règlement du wet shoes. Okay. Jusque-là, ça va. Sauf que où le bas blesse, c'est que Natation Canada a décidé d'adopter les règlements de la FINA. Ouais. Et la Fédération de natation du Québec adopte les règlements de Natation Canada. Donc, nous, par le fait même, on est obligé de suivre les recommandations là, de la FNP, de la Fédération de natation, parce que si jamais il arriverait un incident par rapport à l'hypothermie, arriverait quelque quoi que ce soit et les assurances rentrent en ligne de compte. Si nous, on n'applique pas le règlement, ben, on pourrait se taper sur les doigts, dire il y avait des recommandations, vous les avez pas appliquées. Malheureusement, on est obligé d'appliquer le fameux règlement là, pour toutes les courses qui vont avoir lieu ce samedi. Okay. Sauf que la bonne nouvelle, c'est que habituellement, le Lac-Adieu est rarement en bas là, de 68 degrés, donc de 18 degrés Celsius, donc il ne devrait pas être obligatoire. En théorie, ça me surprendrait vraiment qu'il soit obligatoire, là. Il devrait vraiment être optionnel ou interdit. Okay. Donc, ça nous laisse quand même une marge. OK, OK. Bon, dis-moi, avant de parler des inscriptions puis de comment que ça va commencer, à quelle heure et ainsi de suite, je veux faire un petit peu du coq à l'âne. Entente entre les deux compétitions de Saint-Thomas et Chibougamau. C'était pour créer la Coupe Sadlac. Si on parlait de ça un peu. Oui. En fait, c'est pas avec seulement ces deux organisations, mais également avec la traversée du lac Saint-Jean. Donc, on est trois organisations en eau libre de la région qui ont décidé de s'associer cette année pour faire la promotion de la nage en eau libre là, pour les jeunes de la région. Okay. Ce qu'on veut, c'est vraiment là, développer les nageurs. Bon, au jeu du Québec, les jeunes sont âgés de 14 à 17 ans, si je ne me trompe pas. Il y a des courses en eau libre. Fait que nous, notre objectif, c'est vraiment là, de préparer ces jeunes-là pour les Jeux du Québec, faire découvrir l'eau libre. Donc, on a décidé de créer une coupe qui va s'appeler la Coupe Saglac en eau libre. Il y a trois compétitions, comme vous aviez dit, à Chibougamau, qui était la semaine dernière, le Marathon de l'Académie qui va avoir lieu samedi, et le 5 km à la traversée là, qui a lieu la semaine prochaine. Okay. Les jeunes âgés de 14 à 16 ans qui sont affiliés avec un club de la région vont accumuler des points là, en faisant ces 3-5 km-là. Et à la fin là, de la dernière épreuve, celui qui aura le plus de points là, va être couronné champion là, de la course à l'air. OK. Mais Gabriel, dis-moi, fait que finalement, vous avez réussi à vous entendre parce que je sais que vous êtes Jérémy, c'est ton de la traversée du lac Saint-Jean, c'est un ami personnel à toi en plus d'être directeur. Oui, oui. Puis j'ai parlé avec Jérémy de la traversée, puis j'ai dit, y a-t-il moyen de s'entendre pour que le Saint-Thomas devienne un petit peu une épreuve de préparation pour la traversée? Il dit, je voudrais bien, puis Gabriel, c'est mon ami, mais ils sont pas dans la FINA. Et pour ce genre d'événement-là, il faut quand même il faut être associé. Mais finalement, malgré tout ça, vous êtes réussi à vous entendre pour le bien de tout le monde. Ben, en fait, il faut faire la part des choses. Ouais. Nous, on n'est pas une organisation de la FINA, donc on peut pas être dans le même circuit que la traversée du lac Saint-Jean, mais depuis le départ du marathon de la Catim, il n'y a aucun froid avec la traversée. Au contraire, tu vois le bénéfice. Le lac Adjim est un endroit idéal pour faire d'initiation. Les jeunes viennent, l'eau est chaude, ils peuvent s'initier. Après ça, viennent au 1, 2, 5. Le 15 km est préparatoire à traverser en attendant deux semaines avant. Donc, il y a toujours eu une très bonne entente avec la traversée. Là. C'est sûr qu'on peut pas être dans le même circuit qu'eux, justement, parce que, bon, pour être dans la finale, ça engendre beaucoup de... d'argent. D'étapes supplémentaires, des frais, c'est beaucoup plus compliqué. Là. Donc, nous, c'est pas notre objectif d'être dans la FINA, mais ça reste tout à fait complémentaire là, avec les compétitions là, qui sont présentées à travers le Saint-Jean. OK. Donc, tu as répondu à ma prochaine question. Donc, tu as répondu exactement si vous avez l'intention de vous joindre à la FINA, mais tu as répondu à ma question. Bon, ça commence à quelle heure l'activité? Non, pas pour le moment. OK. Ça commence à quelle heure puis comment ça marche? En fait, le vendredi soir, donc demain soir, il y a un 5 à 7 au centre de villégiature, la Côte d'Ivoire, où est-ce que les nageurs du 15 km seront présentés. Okay. Ensuite, la grosse journée, c'est vraiment le samedi. Dès 7h, il va y avoir le déjeuner au centre touristique. À 8h, les inscriptions pour les différentes courses commencent. La première course de la journée qui est présentée par la MRC Marielle Chapdelaine, donc la course du 1 km, qui est la course la plus populaire, là, où est-ce qu'il y a le plus d'inscriptions. Débute à 10h. Mm. Ensuite, à 10h45, là, à 5 minutes d'intervalle, toutes les autres courses seront lancées. Donc, c'est intéressant là, de voir tous les nageurs qui sont à l'eau en même temps. 10h45, le 10 km solo. Okay. 10h50, le 10 km à relais qui est présenté par Promutuelle Assurance. 10h55, c'est le 15 km compétitif qui sera lancé, qui est présenté par la Caisse populaire des plaines boréales. Ouais. Ensuite, à 11h, la dernière course, départ du 5 km, qui fait partie là, de la Coupe Espoir Canada et de la Coupe Saglac, le départ est à 11h. Mmh. Donc, à partir là, de 11h de midi, il y a vraiment là, des nageurs qui arrivent à tout moment, des nageurs de différentes courses. Là, donc, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de temps d'arrêt. C'est super intéressant de voir ça. Okay. Toute l'après-midi. Et ensuite, là, en soirée, il y a un souper qui est servi encore une fois au centre de vignettiature. Il y a la présentation des gagnants du 15 km à 18h. Il va y avoir un feu de joie à l'ensoirée. Et le chansonnier Serge Tremblay là, qui sera là pour nous faire, danser et chanter là, dès 21h. Ben bravo, c'est une belle activité. Puis c'est un petit peu le festival de Saint-Thomas-Didine également, le festival d'été. Là. C'est un petit peu le fête aussi. Hey, puis il y a plusieurs nageurs locaux. Hein. Ben, j'ai parlé avec Gabrielle Savard cette semaine, qui est une belle espoir, je pense, pour éventuellement pour la traversée. Il y en a d'autres aussi, là. Oui, en fait, pour le 15 km, il y a quand même deux nageuses de la région. Ouais. Sabrina Lavoie, là, qui est d'Alma, qui va être à sa 5e participation. Vania Bellil, qui était là l'an dernier aussi, qui est de Saint-Félicien. Okay. Donc, deux très bonnes nageuses là, qui vont faire partie là, de la traversée du lac Saint-Jean également. Et pour les autres courses, les inscriptions se font sur le matin même, donc c'est plus difficile d'avoir les noms, là, mais habituellement, là, beaucoup de nageurs de la région, là, donc on invite toute la population à venir les encourager là, cette année. OK. Ben, bravo, Gabriel. Belle initiative, beau travail, puis on va avoir l'occasion de se reparler. Merci beaucoup. Voilà, Gabrielle Trottier, la responsable du marathon du Lac à Jim, qui a eu un fin de semaine à Saint-Thomas-Didyme.